Dieu me laisse dans l'abcès, je le crève d'un peu partout, et comme il amène, laisse passer le futur qui libère, je le presse, mais il s'en. Je n'irai pas te voir dans notre église, et si la colère ici m'inspire, j'ai besoin de toi, toi quand tu ignores, alors inaugure ma vie. J'irai bien recevoir ta générosité, ton corps me ravit. Me donnes-tu du temps, encore du temps pour réfléchir à qui me blesse. À qui libère, à qui me blesse, à qui libère. Nature, suis ma vie et tu réclames, et tu réclames. Nature, suis ma vie et tu réclames, et tu réclames. Nature, suis ma vie et tu réclames, et tu réclames, tu suis ma vie, et tu réclames.